desséchée. Les yeux vides, pleins de rides, l'air d'être un déchet. Ma conscience ne tient plus en place. Le Tarken remplace mon être, c'est le démon qui parle à ma place. Derrière le miroir surgit l'ombre masquée des lettres noires qui n'a plus le guerrier et dans le manoir. Des ténèbres mélancoliques à jamais. L'esprit enfermé à tout plutôt que dans une vie en équerre, trop alarmé par mes malheurs. Le manque d'amour a tué mon cœur, calciné mon corps. Achevé par des êtres sans remords et mon cœur de ma souffrance, j'en supplie encore. Les turbulences dans l'enfer du décor. Mon esprit tort et le tien danse, danse. Sur mon crâne pour que je l'adore, il me dit pense, pense, à la récompense que je t'accorde. Mais moi j'avance, pense, dans la fournaise pendant que le malin me jette des corps. J'évite ses sorts tout en pensant ceux du tout puissant. Compensant mon mal par sens des pensées, se contente de ses simples pansements. Et ça même si mon cœur est trop pensant. Je n'ai plus d'âme, desséché comme une feuille morte. Je n'ai plus de crâne, un petit feu de mal m'emporte. Réanime ma flamme, Dieu, ouvre-moi ta porte. Je n'ai plus de feu, marche sur les portes. Je n'ai plus d'âme, desséché comme une feuille morte. Je n'ai plus de calme, un petit feu de mal m'emporte. Réanime ma flamme, Dieu, ouvre-moi ta porte. Je n'ai plus de feu, marche sur les portes. Ces douleurs me dévastent, dans ma tête déferle. Ces insultes raciales viennent trop néfastes. Ces briseurs de rêve ont foutu de l'obscurité sous mes astres. Désormais poussé au désastre, j'y crève, prêt à mourir. Marre de cacher ma douleur derrière ce foutu sourire. Les humeurs situent loin des faux rires. Mind fermenté par les regards remplis de mépris. Pour ma couleur de peau, ils m'ont mis à l'étal. J'ai beau écarter les traîtres, je marche encore dans la grisaille. Garde un goût de ferraille dans la gorge. Même des proches qui me cisaillent. Seule la méfiance m'a appris à être autonome, à devenir un autre homme. Enfance et adolescence monotone. Chaque jour un peu plus, mes espérances tombent. Comme des tonnes de feu mortes à mon tonne. Le crâne séquestré dans un pari d'essence. Je rédige mes textes au clair de lune. Rap avec incandescence. J'use de ma plume pour soigner cette solitude incurable qui constamment nous consume. En attendant le Tarken te laisse son testament indécent. Ne cherche pas à me planter, tu ne trouveras pas de sang. Je n'ai plus d'âme, desséché comme une feuille morte. Je n'ai plus de calme, un petit feu de mal m'emporte. Réanime ma flamme, Dieu, ouvre-moi ta porte. Je n'ai plus de feu, marche sur les morts. Je n'ai plus d'âme, desséché comme une feuille morte. Je n'ai plus de calme, un petit feu de mal m'emporte. Réanime ma flamme, Dieu, ouvre-moi ta porte. Je n'ai plus de feu, marche sur les morts. Je n'ai plus d'âme, desséché comme une feuille morte. Je n'ai plus de calme, un petit feu de mal m'emporte. Réanime ma flamme, Dieu, ouvre-moi ta porte. Je n'ai plus de feu, moi chanter les morts. Je n'ai plus d'âme, desséché comme une feuille morte. Je n'ai plus de calme, un petit feu de mal m'emporte. Réanime ma flamme, Dieu, ouvre-moi ta porte. Je n'ai plus de feu, mon âme est morte.